We'll be right back. Hi everybody. Salut les gens. Thank you. verre en bois, tu n'en pas faire mon frère sans voix. Merci, malgré les têtes, on continue de fumer. Malgré les pertes, on continue de lutter. Malgré les verres en bois, les verres en bois, la vie d'une autre manière, même nos frères sans voix. Merci, malgré les têtes, on continue de fumer. Malgré les pertes, on continue de lutter. Sourire à la boisson, je suis dans le caca comme un poisson. J'ai la passion, garçon, pour moi ce sera grand, maintenant ma glace en action. J'ai déjà peu picolé mes passions, de suite à la suite. C'est l'heure de contrôler mon garçon. J'avoue, je me suis trouvé, partout je me suis trouvé. Et puis finalement, vers le hip-hop, je me suis trouvé. We'll be right back. Thank you.